l'entretien concerne aujourd'hui Armelle. Et puis nous sommes avec Pierre pour l'entretien. Et à côté d'Armelle, il y a François, son fils, qui, dit-il, est là pour... Pour apporter des points techniques. Pour apporter des points techniques. Voilà. Donc, Armelle, c'est votre prénom? Oui, c'est mon prénom. Et votre nom? Il faut dire Leroy ou Trému, les deux. Oui. Les deux. Vous êtes né Leroy et vous êtes mari, vous avez été marié à Jean Trému. Jean Trélu. Et votre date de naissance? Donc, c'est le 09-10-1937. D'accord. Et vous vous êtes marié à Jean? Oui, en 1966. D'accord, à Gouézec, d'accord. Et vous êtes marié à Gouézec? Oui. Pas à Briec? Non, je suis de Ah Gouézec. oui. Et donc? Priorité à la dame. Mariage dans la commune de l'épouse.